Esselatu vesselamu ala rasulillah. Le monde à Allah qui ne dit que vérité, qui ne promet que vérité et qui n'ordonne que douceur. Celui qui l'adore s'élève et celui qui lui désobéit s'abaisse. Nous le louons par adoration et humilité et nous le remercions par action et en parole. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé, et nous nous en remettons à lui des médisances, des mauvaises situations, des paroles inutiles et de Satan. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, celui à qui il a dit dans le Saint-Coran et n'obéit à celui le menteur qui jure pour tout ce grand calomniateur, colporteur de médisance et avare qui empêche les autres de faire le bien, ce transgresseur, ce pécheur dont les mœurs rustes révèlent qu'il n'est de toute évidence que le produit d'une union illégitime. Et là, le Coran il fait allusion à Walid ibn Mughira, de faire inconnu avant l'âge de 18 ans. Il s'est fait remarquer par ses prises de position contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le médisant n'entrera pas au paradis. Communauté des croyants, le drame de l'être humain est dans sa langue et sans cesse. Le croyant n'est pas médisant, n'est pas hypocrite, n'est pas menteur, n'est pas adultérin. Celui qui prend garde à sa langue et à son sexe gagne la foi, échappe à l'emprise de Satan et mérite que le paradis et la satisfaction d'Allah lui soient garantis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Celui qui me garantit ce qu'il a entre ses lèvres, c'est-à-dire sa bouche, et ce qu'il a entre ses cuisses, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis. L'action est facile et son bénéfice est énorme. Allah le Tout-Puissant a dit, ô vous qui avez cru, évitez l'excès du soupçon. Pour sûr, certains soupçons sont des péchés. N'espionnez pas, ne soyez pas médisants entre vous. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort et vous le haïrez. Et craignez Allah, pour sûr Allah est absoluteur miséricordieux. Dire du mal des autres en leur absence est un mal endémique, très répandu chez les jeunes et les vieux. Partout, y compris dans les maisons de Dieu et les lieux de prière, où les langues se relâchent sur l'honneur des croyants en leur absence, et la médisance entre un tel et un tel autre. C'est là le comportement d'un mauvais et d'un lâche. Il est craint par le bon et le mauvais. Il est adulé par l'hypocrite, parce qu'il est le Satan qui sépare les frères, et comme le feu, il embrase amis et compagnons. Allah a dit, et si par ses conseils insidieux, Satan parvient à tout fourvoyer, recherche alors refuge auprès d'Allah, c'est lui l'audient, l'omniscient. Le médisant fait partie de ceux qui sèment la corruption sur terre. Ceux qui œuvrent contre Allah, son prophète et les croyants. Il est considéré par les savants comme un sorcier qui sépare le mari de sa femme. Il éloigne des enfants de leurs parents. Son cœur est sale. Sa langue est douce. Il est de mauvais augure. Ses actions sont pires que celles de Satan. Parfois, vous aimez les paroles de quelqu'un, car il prend Allah pour témoin sur ce qu'il a dans son cœur, alors qu'il est votre pire ennemi. Allah n'agrée pas les actions des corrompus. Les péchés du médisant sont énormes, son âme est malfaisante. La médisance est un grand crime chez Allah. Nous nous en remettons à Allah, le condamnant, et du chaos que sèment les médisants, ceux qui ne vivent que dans les eaux troubles, ceux qui n'aiment les réunions que pour y semer la discorde et l'animosité entre les gens. Ceux-là sont le pire de la création chez Allah. Allah n'a pas été injuste avec eux, mais ce sont eux qui sont les injustes. Allah a dit, Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour les mécréants. Et pardonne-nous, Seigneur, car c'est toi le Tout-Puissant, le plus sage. Celui qui se salit la bouche avec le mensonge, la médisance et les insultes, alors c'est comme s'il a mangé la chair des gens et il a lapé dans leur honneur comme les chiens qui mangent la charogne et qui lavent son sang. Combien il y a de mise en garde dans la Sunna et le Coran contre ceux qui font le mal, les médisants et les menteurs. Ces mauvaises qualités sont rejetées unanimement par toutes les religions qui les considèrent comme immorales. Il faudra peut-être faire taire les enfants, s'il vous plaît. C'est une mosquée, c'est pas une cour de récréation. Ces mauvaises qualités sont rejetées unanimement par toutes les religions qui les considèrent comme immorales. Malheureusement, le plus gros de ceux qui sont, de ceux qui ont ces mauvaises qualités, sont des musulmans qui croient à la repentance et au châtiment, et les plus éloignés de ces mauvaises qualités sont des incroyants, des associateurs et des gens du livre. Alors pourquoi nous n'appliquons pas les enseignements de notre religion? Pourquoi nous ne suivons pas l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? La raison nous a quittés. Nous disons ce que nous ne faisons pas. Nous nous intéressons au superficiel, alors que d'autres vont à l'essentiel et en profitent. Allah a dit, ne vous ai-je pas engagé enfant d'Adam à ne pas adorer Satan, votre ennemi déclare. Nos réunions dans les marchés, les clubs et les cafés sont l'occasion des médisances, de la moquerie et des mauvaises actions et de l'atteinte à l'honneur des autres. Les bons conseils et les versets coraniques n'ont pas d'effet sur les morts. Des regrets, beaucoup de regrets pour les mères, les filles, les sœurs, et les épouses salies par les mauvaises langues qui prennent à la légère les honneurs et les dignités, et qui ne méditent pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle des 7 grands péchés parmi lesquels il cite l'atteinte à l'honneur des femmes vertueuses. Allah a dit, ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes et croyantes, sont maudits dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Ils auront un énorme châtiment. N'est-il pas une honte de voir un barbu avec tous les aspects extérieurs de respectabilité et que l'on prend pour un savant jusqu'à ce qu'on entende ses paroles pour comprendre qu'il est un bavard malfaisant? De nos jours, nous savons a préparé ses feuilles et ses stylos pour les insultes, et il a fait de sa langue une épée. Les journalistes décochent leurs paroles comme des flèches en direction des réformateurs et des gens de bien. Y a-t-il une repentance avant le regret? Allah a dit, sans la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, ici-bas et dans l'au-delà, un énorme châtiment se serait abattu sur vous à cause des calomnies dans lesquelles vous vous êtes fourvoyés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à compter de 2 tombes nouvelles et il a dit, tous les deux sont châtiés. et ils ne sont pas châtiés pour grand-chose. L'un d'eux était médisant, et l'autre ne se lavait pas de l'urine. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la médisance, l'insulte excessive, sont en enfer. Et Allah, le Tout-Puissant, a dit, ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas de Satan. Quiconque suit les pas de Satan, alors il leur donne la turpitude et le blâmable. Et sans la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله